je trace pour ainsi laisser ma trace vers les cimes les plus hauts, jusqu'en haut des cieux, afin de pouvoir t'enlacer à nouveau. Avec toi, c'est si beau, c'est si merveilleux. J'avance et je trace pour ainsi laisser ma trace vers les cimes les plus hauts, jusqu'en haut des cieux, afin de pouvoir t'enlacer à nouveau. Avec toi, c'est si beau, c'est si merveilleux. Partageons de l'esprit de nos pensées communes. Pour nous, je décrocherai la lune. À toi de voir ce qu'il faut tout croire. Pour ne plus entendre parler du désespoir. En mon idée, envers ta personne désignée par mon être qui a été touché comme foudroyé. Pour elle qui a su me captiver. Ainsi pour que survienne à nouveau l'envie de vouloir tout partager. Tout en haut des cieux, c'est si merveilleux. Communes. Pour nous, je décrocherai la lune. À toi de voir ce qu'il faut tu crois. Pour ne plus entendre parler du désespoir. En mon idée, envers ta personne désignée par mon être qui a été touché comme foudroyé. Pour elle qui a su me captiver. Ainsi pour que survienne à nouveau l'envie de vouloir tout partager. Tout en haut des cieux, c'est si merveilleux.